Bonjour et bonsoir, bienvenue à l'émission qui s'appelle Deux temps, trois mouvements. Voilà. Alors, c'est un nouveau concept incroyable. C'est une idée, voilà. Qu'on a fait avec Yanis. Alors, vas-y, Yanis, disclaimer déjà, première. Alors, oui, première chose. Si vous écoutez cet audio et que vous n'avez pas encore écouté l'histoire, arrêtez tout de suite ce que vous faites. Vous stoppez, vous allez écouter l'histoire et après vous revenez. D'accord ? Vous allez comprendre pourquoi après. Mais faites-le, s'il vous plaît, sinon vous gâchez une expérience de ouf. Un truc que vous vivrez une seule fois dans votre vie. Non, mais voilà. Vous, c'est normal, vous allez l'écouter maintenant. Donc voilà. On a Jean-Alric, Louise, Yanis et moi-même, Thomas. Donc Louise et Jean-Alric ne savent vraiment pas pourquoi ils sont là pour le moment. Ils sont vraiment, Louise n'avait aucune idée qu'elle allait se retrouver avec un casque sur la tête. Donc ils sont complètement kidnappés par l'histoire. Exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant les prochaines 30 minutes, 40 minutes ? Alors, c'est très simple. Ou plus si affinité. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés, Yanis et moi, un jour, dans ce bel appartement. Et on s'est dit qu'on allait créer une histoire, tout simplement. Et on s'est demandé donc, comment on allait écrire. On voulait absolument faire quelque chose. Donc, c'était une histoire audio. Sachant qu'on l'a fait, donc on l'a écrit donc, en 2 semaines à peu près. Et on l'a enregistré en 2-3 semaines. Donc c'était un travail assez ouf. Donc là, c'est un peu la libération. On l'a enfin fini comme on peut, on va dire. Mais c'était une vraie aventure, je trouve. C'était sympa. Ouais. On va vous expliquer après comment, plus tard, cette émission pourra perdurer dans le temps, etc. Voilà. Mais on est content donc, de vous présenter notre travail bientôt. Oui. Alors, petit détail aussi, avant. On n'est ni des acteurs, ni des écrivains, ni des ingé-sons, ni des réalisateurs. Donc, il va falloir avoir de la gentillesse, voilà, ah, bien et sûr, de la bienveillance présente. Exactement, parce que sinon okay. Voilà, c'est alors petite chose aussi. Donc c'est une histoire qui dure, je sais pas, 2 minutes, non, 5 minutes. 5 minutes, ah, je crois quelque chose comme ça. De toute façon, okay. On verra bien. 5 minutes, très bien. Donc c'est une petite histoire qui dure 5 minutes, et c'est normal si en fait vous comprenez pas tout dès la première écoute, parce qu'en fait l'histoire elle regorge de détails qu'il faudra vraiment comprendre au bout de la deuxième, voire troisième écoute. Mais bon, on va pas en faire non plus une milliard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première écoute de la fameuse histoire. Après, vous allez nous dire donc, ce que vous en avez pensé, etc. Qu'est-ce que vous avez pour l'instant compris de l'histoire, etc. Et ensuite, on fera une deuxième écoute. On sera très concentré. Oui. Et là, on recommencera. Donc, qu'est-ce que vous avez compris, etc. Et nous, eh bien, à la fin, on donnera évidemment la solution, entre guillemets, l'explication de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on dit que pour les gens, en fait, il faut qu'ils écoutent avant l'histoire, avant d'écouter ici, parce qu'ils font qu'ils cherchent aussi un peu moutarde. Voilà. Dans la salle de bain. Donc, surtout, soyez très attentifs à tous les petits détails. Et s'il vous plaît, si vous écoutez, mettez un casque. D'accord ? Vous faites pas ça avec une oreillette d'écouteur. Non. On a quand même essayé de faire des choses. Donc, essayez de respecter ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Et ça va commencer. Un homme se retrouve allongé dans un ascenseur avec un terrible mal de crâne. Il se rend compte qu'il souffre d'une amnésie, étant donné qu'il ne sait pas comment et pourquoi il s'est retrouvé là. Touchant le haut de sa tête, il prend conscience de la gravité de sa blessure, sa main est couverte de sang. En se relevant, il observe au sol une imposante tache rouge écarlate partant du milieu de la cage d'ascenseur et s'étendant jusqu'aux portes. Il prend alors peur devant la quantité d'hémoglobine qu'il a pu perdre et en déduit que ses heures sont comptées. Remarquant 2 boutons dans l'ascenseur, -1 et rez-de-chaussée, il essaie d'appuyer sur les 2. L'un s'allume, celui du rez-de-chaussée, mais l'ascenseur ne semble vouloir ni descendre ni monter. Après quelques temps, horrifié et seul, la cabine s'arrête. L'homme comprend qu'il n'était pas immobile, mais plutôt qu'il descendait à vitesse constante depuis son réveil. Il réalise qu'il doit se trouver profondément sous terre. Soudainement, les portes s'ouvrent et un épais nuage de poussière s'engouffre dans la cage d'ascenseur. Sa vision se trouble, il ne perçoit pratiquement plus rien autour de lui. Il sort un briquet de sa poche et l'allume d'un coup sec. Au même moment, l'air s'enflamme et l'arroseur automatique situé au plafond se déclenche. Éteignant immédiatement son briquet, il entend un hurlement de douleur venant un peu plus loin dans la pénombre, maintenant devenu abyssal. Il décide de chercher un interrupteur le long du mur avec sa main gauche sans sortir de l'ascenseur. En tâtonnant quelques secondes, sa main touche quelque chose de visqueux et chaud. Il se rend compte rapidement qu'il s'agit d'une bouche. Ressentant une souffrance abominable, il retire sa main en hurlant de douleur. Compte tenu de l'épais brouillard, il rapproche sa main pour mieux comprendre l'origine de sa souffrance et dévisage avec horreur son annulaire, lui manquant une phalange. L'homme entend quelque chose rouler vers lui qui vient toucher ses chaussures. En se baissant, il découvre son membre manquant au sol. Épris d'effroi, il recule et tombe dans l'ascenseur. Les portes se referment. L'ascenseur monte. Le bouton rez-de-chaussée s'éteint. Peu de temps après, les portes s'ouvrent et l'homme découvre un cadavre en blouse blanche sur le ventre. Il retourne l'homme à terre et découvre sur son habit un badge avec écrit « Dr. Paul ». Spécialiste Xeroderma pigmentosum. En réalisant que les traces de sang dans l'ascenseur coïncident avec celles du docteur au sol, il en déduit que le sang n'était pas le sien. En regardant autour de lui, il constate qu'il se situe dans un couloir blanc et entend des voix approcher sur sa droite. Surtout, quoi qu'il se passe en bas, je veux pas entendre un seul coup de feu, c'est compris ? Je rappelle qu'on ne sait pas ce que l'éboulement a pu libérer comme gaz. Il se dirige vers les voix et distingue des militaires s'avancer. L'un d'eux le remarque et lui demande d'un air stupéfait : Qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez d'où ? L'homme désigne du doigt l'ascenseur. Le militaire rétorque. Vous allez bien ? Tout en restant confus, il bredouille quelques mots sur son amnésie. Ok, bon, vous avez dû recevoir un coup sur la tête à cause de l'effondrement. Le militaire arrête sa phrase, son regard s'étant posé sur la main ensanglantée de l'homme. Allez voir un médecin immédiatement ! L'homme se dirige vers le médecin qui remarque immédiatement sa blessure et lui adresse un traitement préventif. Dans l'action, le docteur lui demande s'il est vacciné contre la rage. Surpris par la question, il répond positivement et lui demande ce qu'il se passe. Calmez-vous, monsieur. Vous poserez vos questions après. Pour commencer, est-ce que vous voulez des vêtements secs ? Il s'exécute et donne ses vêtements mouillés. Le médecin remarque la blessure au crâne et lui demande comment cela lui est arrivé. L'homme répond qu'il a dû se cogner la tête dans l'ascenseur. Le médecin hoche la tête et au même moment, un militaire lui fait signe de venir. Avant de partir, le médecin lance. Hey, c'était malin d'avoir pensé à l'eau. Vous avez un nouveau message. Le 20 février à 20h05. Allô ? Ça fait plus de 5 heures que t'es parti. J'espère que vous allez bien, appelle-moi dès que tu peux. Message terminé. Pour passer au message précédent, tapez 1. Pour supprimer le message reçu le 20 février à 14h42. Allô papa ? Faut vraiment que tu viennes me chercher. Les enfants avec moi deviennent tous tarés ici. Les médecins n'arrivent même plus à les contrôler. Il y en a même un qui s'est fait mordre. Viens me chercher, je t'en supplie. Message terminé. Pour passer au message précédent, message reçu le 17 février à 12h10. Salut papa, je t'appelais juste pour te dire que je suis bien installé. Les enfants sont très sympas avec moi. Entre enfants de la lune, on se comprend bien. D'ailleurs, je vais te dire un secret. Les autres m'ont raconté qu'après le tremblement de terre du mois dernier, tu sais, celui qui avait fait super peur à maman, ils avaient découvert un passage vers une grotte à chauves-souris. J'ai vraiment hâte d'aller voir. Mais t'inquiète, hein, normalement, il n'y a aucun risque que ça s'écroule. Allez, bisous papa. Fin de vos messages. Voilà, et voilà. Fin de l'histoire. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. 2/5. En parlant d'étoiles. Alors oui, c'est pas parfait, hein, on sait, mais non, bon. Mais franchement, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, et je suis très content finalement du résultat qu'on a réussi c'est à faire. C'est vraiment hyper, c'est pas mal. Hyper pro, et la voix d'Antonin, entre mille. C'est trop différent. Mais en fait, on te fait cette dédicace, Antonin, toujours dans nos cœurs. Et franchement, il l'a bien joué, je trouve, rapidement. Et il faut savoir que donc, c'est la voix... Et la voix féminine, ça m'intrigue. C'est ma sœur. D'accord. Voilà. Donc oui, il faut savoir que Antonin a fait la voix sans savoir de quoi parlait l'histoire. Donc je lui ai indiqué des trucs, mais il savait pas de quoi ça parlait. Il a réussi. Voilà. Juste pour avoir l'intonation. Ouais, on peut féliciter. Voilà. Merci. Voilà, si vous aviez vos écouteurs à fond. Ok, très bien. Donc première question, déjà, est-ce que vous avez quand même passé un bon moment ? Un moment vraiment très agréable. C'est hyper prenant, c'était vraiment super prenant. Super reposant comme histoire. Vraiment sympa. Je l'écoute pour m'endormir. C'était vraiment avec Yanis pour raconter un peu le backstage. Donc du coup, on raconte un petit peu comment on a créé l'histoire. Oui, ça, oui, vas-y. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on voulait créer une histoire un peu, voilà. En fait, on ne savait même pas où partir. On n'avait vraiment aucune idée de ce qu'on pouvait faire. On s'est posé une question, on s'est posé des questions comme ça, et on se disait, mais si on partait d'une question simple, en mode, quel serait le pire endroit où on pourrait se réveiller ? Voilà. Si tu t'endors, et quel serait le pire endroit pour se réveiller. Et donc on a brainstormé comme ça tous les deux. Exactement. Et finalement c'est Yanis. C'est quand même Yanis qui a eu l'idée où on est qui nous a enfin tous mis d'accord. C'était vraiment se réveiller dans un ascenseur. Ah ouais. Mais c'était un ascenseur en mouvement. Voilà, parce qu'en fait, le truc dans un ascenseur, c'est que tu sais pas quand tu te réveilles. Imagine, tu te réveilles comme ça, t'as un mal de crâne, tu te réveilles dans un ascenseur. Tu sais pas s'il bouge ou pas, parce que s'il est en mouvement constant, tu peux pas le déterminer. Ouais, okay. Et donc ça, c'est tu te dis peut-être je monte, peut-être je descends, peut-être je bouge pas. On ne sait pas. Et rester bloqué dans l'ascenseur, etc. Et c'est pas savoir où tu vas arriver. Exactement. C'était un bon début, je trouve, pour créer une histoire. Et ensuite, on s'est dit bon alors maintenant, les portes s'ouvrent. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment de terrifiant après? Et en fait, comme ça, on a essayé de créer petit à petit. Mais bon, après, on s'est arrêté parce que sinon, on va pas se partir. Exactement. Après, on s'est dit bon, maintenant, on a fait des trucs, on est parti loin, et après, on a fait comment est-ce qu'on peut expliquer que ce soit cohérent. Donc, on va commencer d'abord avec ce petit indice-là, qui est que toute l'histoire est réaliste. Voilà. Il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de surréalisme, tout ça, etc. Donc, sinon, c'est un peu con de vous essayer de faire deviner des trucs. Voilà. Okay. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait, et puis voilà, c'était un rêve. Et non. Ça, on s'est dit ah vas-y ça. Non, quand même. C'est globalement pour être scénariste à Hollywood. Moi je dis ça, je dis rien. Donc la question là tout de suite maintenant, c'est la question pour vous maintenant, c'est donc qu'est-ce que vous avez compris pour le moment de l'histoire, est-ce que vous arriverez à faire une petite frise chronologique de ce qui s'est passé ou pas du tout? Qu'est-ce que vous avez compris pour l'instant un peu de ce qui s'est passé en général? Alors j'étais hyper perturbé par le début. Depuis le début ou de... Ah, j'ai fait une frise chronologique. Non, qu'est-ce que vous avez compris de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète. Ouais. Non, j'ai été super perturbé par le tout dernier message, puisqu'on n'entend pas du coup, on a des petites bribes. Ouais. Donc, faut écouter. Alors, c'est par rapport à ce que la personne dit, on se dit que les messages sont dans un ordre du plus récent au plus ancien. Ouais. C'est ça du coup. Ça c'est bien. Donc, comme dans un message. Parce que j'avais compris que les dates ont passé du 14 au 17, mais j'ai peut-être mal entendu. Ouais. Alors je sais plus exactement les dates, on remonte dans le temps. Ouais. C'est ça. Très bien. Très belle observation. J'avoue. Attends, du plus récent. Ok. Oui, qu'on écoute ces messages. Donc en gros, ça commence le truc le plus récent, frise chronologique beginning, ouais. C'est le tout dernier truc. Bonjour papa, je suis avec les enfants, ils sont super. Enfin, les enfants, ils sont super sympas. Je sais pas si sa fille qui garde des gosses. Et oui. Et elle. Quoi? Bah c'est ça le truc le plus récent qu'on entend. Non, le plus vieux. Oui. Le plus vieux. Ah pardon. Oui. Non, non pas pour moi dans ma tête quand je dis récent, c'est plutôt. Enfin, on est ok d'accord. Donc voilà, donc vous avez bien compris que le dernier message, c'est le message le plus ancien. Bon ça, je pense que c'est un peu the base. Premier puzzle résolu. Très bien, bravo. Du coup, donc au moment où la meuf parle, il y a déjà eu un tremblement de terre avant. Alors c'est pas grave si vous vous trompez, il y a aucun problème. Allez-y. Essayez de reconstituer ce qui se passe. Donc tout premier bail qui s'est passé dans la vie de ces gens-là, c'est un tremblement de terre. Ouais. Putain, bien joué. Bien joué. Après, en même temps, elle le dit. Après, faut pas l'avoir entendu. Après, la personne fait sa petite vie. Avec les enfants qui commencent à avec les enfants dérailler parce que le type n'arrive plus à les gérer. Ouais, ça c'est le message d'après. Ouais. Du coup, il y a quelque chose qui... Alors, à un moment, il y a les militaires qui disent les éboulements ont causé aucune fuite de gaz. Uh-huh. Un truc comme ça. Uh-huh. Ça sera la deuxième écoute. Tu pourras plus. Il n'y a pas une histoire, le tremblement de terre a libéré un gaz qui rend les gens totalement fous. Et donc visiblement, il y a un gaz qui est un peu étrange, et il y a cette histoire du militaire qui dit le coup de l'eau c'était bien joué, donc on peut assumer que l'eau peut annuler les effets de ce gaz. Peut-être. Ils ont des trucs. Hein. Ils ont des trucs, mais. Est-ce qu'on leur donne des trucs qui sont vrais? Est-ce qu'on leur dit quand c'est alors vrai? Alors, déjà, je pense qu'on peut dire quand c'est faux. Voilà. Donc, okay. Déjà, c'est faux. D'accord. Non, mais quoi, c'est faux? Faut dire, préciser, parce qu'ils ont des trucs vrais quand même. C'est pas complet. C'est... Si. L'histoire du gaz, c'est faux. Donc, il y a bien un gaz. Il y a un gaz, mais gaz, faut bien le dire. C'est pas le gaz qui a rendu les gens fous. Voilà, c'est ça, faut bien préciser. Voilà. Qu'est-ce qu'on de rage par contre? Il y a une histoire de rage. Bien joué. Il y a une histoire de rage, c'est tout à fait vrai. Qui a causé l'éboulement? Non, la rage, c'est une maladie. Ah, j'ai entendu de rage. Je me disais, j'ai pas entendu ce... Le rage puissant. Okay, wow. Ouais. Non, il y a une histoire avec la rage, c'est vrai. Okay, une histoire avec la rage, alors peut-être que les gosses ont la rage. Tiens, gros apocalypse de zombies, en fait. Il y a de ça, il y a de ça. Pas du tout. Alors par contre, il y a un truc qui me rend beaucoup perturbé, c'est quand il réalise qu'il y a une bouche. Alors je sais pas si c'est une bouche qui l'embrasse ou si c'est quelque chose qui... Non, qui l'a mordu. Ah oui. Ah, donc voilà, donc il a été mordu par quelqu'un qui a la rage, qui du coup lui a arraché son annulaire, en fait. Exact, ouais. Exact. Putain, c'est pas mal. C'est d'une précision. Pas mal du tout. Donc il y avait une personne avec lui dans l'ascenseur. Alors, non, il était seul dans l'ascenseur, il est descendu, visiblement il y avait du sang d'un scientifique dans l'ascenseur, donc visiblement peut-être que le scientifique était dans l'ascenseur à un moment donné. Et le moment où il dit... Il voit que c'est... Ils sont un truc visqueux, il voit que c'est une bouche. Non, mais ça, c'est parce qu'il tâtonnait les murs en sortant de l'ascenseur, en cherchant un interrupteur. Donc, c'était dans la salle. Ah, d'accord. Et là, il y a un gars qui l'a mordu quand il était dans la salle. Voilà. Extrêmement. Tout à fait. Putain, c'est d'une précision. Ils sont bons. Peut-être qu'ils n'auront pas besoin d'une deuxième écoute. Non, okay. Si. C'est excessivement flippant. Bah, c'est du sur coup, l'ascenseur. Du coup, s'il y avait une bouche près de l'ascenseur, peut-être que la bouche cherchait à rentrer dans l'ascenseur, enfin le possesseur de la bouche. Alors, du coup... Non, mais du coup, il y avait un scientifique, et du coup, le scientifique s'est fait mordre probablement par le gars qui a arraché le doigt de notre ami. On peut être possible. Positif. C'est une positif. Possibilité. Oui, c'est vrai. Okay. Bon, lui ou un autre, du coup, lui, mais probablement lui, enfin peut-être. Et du coup, donc il y a quand même un étage, enfin cet ascenseur relie un étage où il y a des scientifiques et des militaires, et un étage où il y a des êtres mutants qui ont possiblement la rage et où il fait tout noir. Alors, il n'y a pas d'êtres mutants, d'accord ? Il n'y a pas de... On n'est pas sur du n'importe quoi. Mutant, c'est-à-dire qu'il a mutaté la rage, quoi. Il a mutaté. C'est ça. Il a mutationné la rage. Mais c'est ça. Il n'y a bien que deux étages dans cette ascenseur. Que deux étages. Voilà. Donc, un rez-de-chaussée, un moins un. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Mais alors, du coup, si je peux me permettre, l'ascenseur était en chute, pas libre, mais en tout cas, il descendait. Oui. Mais alors, ça veut dire qu'au départ, il était au rez-de-chaussée, à un moment donné, et il descendait vers le moins 1, dans la toute première situation. D'accord. Exact, oui. Du coup, il y a quand même peut-être un peu de temps entre le rez-de-chaussée et le moins 1. Le moins 1 est très profond. Oui, bah clairement, ils sont dans un... Très clairement. Il me dit qu'ils sont dans un... Oui, mais non, dans un... Enfin, un vrai souterrain, quoi. Ouais. Okay. C'est un gros souterrain. Donc là, on a pas mal d'éléments quand même. Il y a pas mal de trucs. On sait qu'il y a humaines de survivors qui ont fui la surface du monde et qui sont réfugiés. Alors, il y a une cave à chauve-souris aussi. Alors, oui. Aha. Et est-ce que cette cave au moins 1 est la cave à chauve-souris ? Ou est-ce que c'est lié à ça ? Est-ce que c'est les chauves-souris qui ont transmis la rage aux enfants ? Ils sont partis. C'est très probable. C'est des petits rongeurs flippants. D'ailleurs, c'est pas des rongeurs, les chauves-souris. C'était... Donc en fait, c'est l'histoire, l'introduction à Batman. Comment Batman est né, ça tourne Batman mal. Qui a leur âge. Depuis le début. Et oui, alors par contre, quand il est dans l'ascenseur, il pose la main sur le dessus de son crâne. Je sais pas s'il voit qu'il y a une blessure ou qu'il saigne. Non, il a mal au crâne. Il a mal au crâne. Donc il s'est fait taper sur le crâne, ça l'a rendu amnésique. Et le militaire dit qu'il y a eu un éboulement. Donc c'est peut-être l'éboulement. Dans l'éboulement, quelque chose lui est tombé sur la gueule. Ça l'a sonné, ça l'a comaté, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Juste petit détail, les chauves-souris sont des mammifères, voilà, pour ceux qui ça intéresse. Sont des mammifères. Ah, donc voilà. En fait, les enfants ont essayé de boire du lait de chauve-souris. Sinon, mais il y a quand même la question de pourquoi l'individu était présent dans cet ascenseur. Est-ce qu'il venait de l'étage des infirmiers ou est-ce qu'il venait de l'étage de la cave ? Est-ce qu'il avait la rage lui-même ? Ça, c'est une question sans réponse. C'est une bonne question. Alors, si vous voulez, on vous autorise à un deuxième écoute. Et du coup, voilà, pour vraiment revenir là-dessus, c'est pas mal. Là. On sait qu'il y a un moins un et rez-de-chaussée. On sait que dans le moins un, il y a des êtres un peu bizarres qui ont apparemment la rage. On sait qu'en haut, bon. Voilà, il y a des militaires. Il se passe des trucs. Ouais. Là, je pense qu'il va falloir. Maintenant, il va falloir se concentrer beaucoup sur les messages de fin. Ouais. Les messages de fin donnent

les autres m'ont raconté qu'après le tremblement de terre du mois dernier, tu sais, celui qui avait fait super peur à maman, ils avaient découvert un passage vers une grotte à chauves-souris. Oh, j'ai vraiment hâte d'aller voir. Mais t'inquiète, hein, normalement, il n'y a aucun risque que ça s'écroule. Hein. Allez, bisous papa. Fin de vos messages. Juste, attends, il dévisage son doigt. Dévisage avec horreur son annulaire, il manque une phalange. Ça se dit ça? Ouf. Bon, alors, en tout cas, on l'a dit. Voilà. En tout cas, elle dit bien, oui, on a découvert une grotte à chauves-souris. Thomas, moi j'ai juste envie de revenir sur ce détail. Comment elle dit bien. Il, c'est un homme qui parlait, j'avais une hésitation. Ah, sur quelle partie? Le dernier message qu'on entend. De quoi? Il a dit elle. Ouais, c'est il marrant. A dit elle. C'est un il. Moi je dis ça. Mais pourquoi tu... Et tu m'as dit, ouais, oh, vas-y, on voit trop et tout. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. Ah, c'est un homme qui d'accord. a fait une voix de meuf. Oui, ok. Non. Tu vois, c'est en fait on. C'est, bah, j'avais on l'impression que c'était, pour moi c'était une voix, c'était pas la voix de ta sœur, c'était une voix très masculine, mais. C'était ma voix. Voilà. Ah, bah, je me suis dit c'est la voix de Yanis, mais c'est pas possible parce que c'est pas sa voix. Je me suis dit ça aurait été la voix de Yanis à l'époque où il faisait ses vidéos. On va. Je me demande si je vais pas censurer ça. Pour raconter un petit peu le choix un petit peu qu'on a fait pour créer l'histoire, pour la raconter surtout. En fait, le personnage principal, on l'entend jamais. Oui. Et on a voulu du coup, en fait, on a voulu essayer qu'on s'identifie entre guillemets hein, le plus et qu'on l'imagine le plus dans nos têtes. Et en fait, du coup, ce que tu dis, Jean-Luc, ça veut dire que bon, bah, ça a bien marché parce que moi, j'avais très peur à chaque fois qu'on donnait des petits indices, en fait, quand ils toussent, on sent que c'est humain, enfin que c'est un homme. Tu vois, je me suis dit merde, non, c'est chiant. Moi, je voulais que ce soit n'importe qui, tu vois. Et on avait grandement débattu avec Yanis sur est-ce qu'on laissait ce toussotement ou là, toussotement pas ou là. Parce que à la fois ça donnait un indice sur bah qu'il y avait quelque chose quoi dans l'air et à la fois si bon ça mettait ça, un petit indice ça représentait un peu plus on voulait comme quand une personne lit un livre elle se fait l'idée voilà elle imagine le personnage comme elle veut voilà nous et on voulait que juste chose. Ce qui est dans l'audio c'est un narrateur et tout ce que entend le personnage principal. Par contre, le personnage c'est bien un homme, on dit bien un homme au début. Oui, mais est-ce que c'est vraiment oui, c'est un homme, mais c'est pas important. C'est voilà, important c'est... Enfin, si, du coup, il y a un détail, qui montre que c'est un... Et encore. Pas forcément. Non, franchement, c'est pas forcément un homme. Ouais. Voilà. C'est bon. Ok, donc en tout cas, quand il allume son briquet, l'air s'enflamme. Et en plus, ils veulent pas de coup de feu. Exactement. Il y a bien du gaz. C'est quoi comme gaz qui s'enflamme? Beaucoup de gaz. Est-ce que tu t'en souviens? Il y a beaucoup de gaz qui s'enflamme. Ouais. Mais si vous voulez, on peut vous donner le gaz précisément. Oui, je m'en souviens. Bah, c'est du méthane. Ah, voilà. J'en étais sûre. Je savais, putain. Donc en fait, tous les animaux sont méthane. Des vaches qui sont enfermées là depuis un moment et elles pètent depuis. Non, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de. En fait, dans la terre conserve le CO2, mais aussi il y a beaucoup de méthane, je crois, qui est retenu dans les. Profondeurs. Voilà, dans les glaces, il y a du méthane qui est retenu dans les... Enfin, voilà. Donc l'effondrement de la grotte à chauves-souris a en plus des... Enfin, les chauves-souris... Non, elle ne s'est pas effondrée, la grotte à chauves-souris. Elle a été découverte par un effondrement. Elle a été découverte, mais grâce à un effondrement, elle a été découverte. D'accord. Exactement. Mais en tout cas, pendant le tremblement de terre, du coup, ça a brisé des glaces, ce qui a libéré du méthane. Bah, en tout cas... C'est... Alors, pendant, il y avait pendant peut-être quel déjà tremblement de terre Du mois dernier qui a fait très peur à maman. Oui. Qui a fait très peur à la madame. Alors non. Bah, celui-là, il a permis, comme vous l'avez dit, d'ouvrir un espèce de tunnel pour qu'il puisse découvrir la grotte des chauves-souris. Il y a eu un tremblement de terre qui m'a fait super peur, qui a, à la suite de ce tremblement de terre, on a découvert une grotte à chauves-souris. Et elle dit, mais il n'y a aucun risque que ça c'est que il y a aucun risque d'éboulement. Ce qui veut dire, va totalement y avoir un éboulement. Exactement. Ok. Il y a eu un éboulement et cet éboulement. Oui. Donc peut-être que le premier truc a libéré les chauves-souris. Ouais. Et que le tremblement de terre a libéré les chauves-souris et l'éboulement a libéré le méthane. Oui. Exactement. C'est exactement ça. D'accord. Le petit trick qui est lié à deux tremblements deux temps a tremblement. Été révélé. Exactement. Ah, incroyable. Voilà. Difficile. Alors, du coup, est-ce que vous voyez un peu plus clair l'histoire? Est-ce qu'on a une petite frise chronologique? Est-ce qu'on peut passer des éléments dans le temps? Attends, le rez-de-chaussée, c'est un long couloir blanc. Oui. Ouais. Hôpital. Type, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils voient le cadavre d'un scientifique, donc ouais. On est plutôt dans un truc de type CNRS, TMTC. Ouais. Médecin. Un centre ouais. De recherche. Ouais, c'est vrai, est-ce que ça a été un centre de recherche qui était déjà là ou qui s'est installé à cause du sous-sol? Bah, si c'est un long couloir blanc, ça veut dire que c'est un bâtiment. Je sais pas si vous avez pensé à ça. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment oui. Donc, qui était déjà là depuis bien longtemps. Voilà. Tout à fait. Donc est-ce que on... Donc est-ce que notre monsieur était lui-même un scientifique? C'est possible. Non, lui, c'est quelqu'un qui est venu chercher ses enfants. Exactement. Parce que quelqu'un est venu lui demander. Qui lui avait dit les enfants sont dans le sous-sol, ils sont incontrôlables. Du coup, peut-être que les enfants ont été amenés là après avoir été mordus par les chauves-souris. Quoi? Alors, c'est un enfant qui l'a mordu. Mais ce que t'as dit, Louise, était pas exact. C'est pas mal. Le c'est début, pas mal, mais c'est pas exact. C'est, ouais, c'est ça, en fait, le début, oui. Mais pas la suite. Pas la... Mais oui, oui. Le fait qu'ils aient été emmenés là, oui. Ouais. Ouais. Donc, le fait que il ait, le personnage va chercher ses enfants aussi, enfants. C'est vrai. Ouais. Son enfant. Son enfant, ok. Ouais. Ça, c'est vrai aussi. D'accord. Voilà. Donc là, on est pas mal. Le personnage va chercher. Et donc, il y reste pendant 5 heures. Donc, est-ce qu'il est évanoui pendant 5 heures? En tout cas, il est parti pendant 5 heures. Il est parti pendant 5 heures. Okay. Ça, c'est vrai. Donc, est-ce que il... Qu'est-ce que, en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce que son enfant foutrait dans le sous-sol. Il y a un petit détail. Il y a un mot. Il a été mis en quarantaine. Non. Il y a un mot sur lequel je crois que t'as tiqué en plus, Jean-Luc. C'est possible. Mais c'est un mot au début du dernier enregistrement de l'enfant. Ouais. Où il dit quelque chose. Est-ce qu'on le repasse? Dernier enregistrement de l'enfant, tu veux dire le tout. Tout dernier enregistrement, le dernier message. Oui, le dernier message. Avec le bruit de fond. Il dit, quoi en fait dans ce message? Il dit, il n'y a aucun risque d'effondrement, il y a eu... Avant, okay. au début du message. Pourquoi il appelle son père? Il fait quoi? Déjà, de base. Qu'est-ce qu'il fait? J'espère que vous allez bien. Okay. Ça, c'est... Ils sont deux. Oui, okay. Parce que... Ils sont plusieurs. Ça, on va l'expliquer peut-être. Ça, en fait, donc ça, c'est la mère qui appelle son mari qui lui dit j'espère que vous allez bien. Parce que, comme vous l'avez dit, il est parti pour chercher des gens. Donc, pour chercher son enfant. Donc, il est parti tout seul et il est censé revenir à deux avec l'enfant qu'il est censé avoir récupéré. L'enfant qui était avec. Ah, je pensais que les messages étaient donnés à des jours différents. En fait, c'est tout ça le même. Les deux premiers messages sont le même jour à 5 heures de l'écart et le premier message est 3 jours après. Ouais, trois jours avant. Exactement. Et donc, pour en revenir au dernier message, avec le mot intéressant. Quoi? Ouais, si tu veux. Ouch. On a allumé la lumière, d'où ma douleur. Oui, ça picote. Ok, donc le dernier message, est-ce que vous l'avez écouté? On va vous le repasser. Tu trouves où c'est? Tu sais combien de temps à peu près c'est? J'en ai pas la moindre idée. Je pense que c'est environ à une minute, quelque chose comme ça. Une minute avant, quand même. Oui, je pense. Non, peut-être un peu moins. Je dirais 40 secondes, c'est bien. Bah... Vas-y, lance, on verra bien. Message reçu le 17 février à 12h10. Salut papa, je t'appelais juste pour te dire que je suis bien installé et les enfants sont très sympas avec moi. Entre enfants de la lune, on se comprend bien. D'ailleurs, je vais te dire un secret. Les autres m'ont raconté qu'après le tremblement de terre du mois dernier, tu sais, celui qui avait fait super peur à maman, ils avaient découvert un passage vers une grotte à chauves-souris. J'ai vraiment hâte d'aller voir. Mais t'inquiète, hein, normalement, il n'y a aucun risque que ça s'écroule. Allez, bisous papa. Fin de vos messages. Elle dit, j'ai vraiment hâte d'y aller, un truc comme ça. Oui. Mais vous avez vraiment loupé le début. Je suis bien installée. Oui, je suis bien installée. L'enfant dit ça et après il dit quelque chose. Les enfants sont super sympas. Et après j'entends pas ce qu'il dit. Bah vas-y, remets-le. Entre adultes, on se comprend. Non. C'est pas entre adultes. C'est un autre mot. Entre filles, entre. Non. Je laisse juste tout début. Je vais les contrôler. Il y en a même un qui s'est fait mordre. Viens me chercher, je t'en supplie. Donc ça, c'est la fin de l'autre message. Pour passer au message précédent, message reçu le 17 février à 12h10. Salut papa, je t'appelais juste pour te dire que je suis bien installé. Les enfants sont très sympas avec moi. Entre enfants de la lune, on se comprend bien. D'ailleurs, je vais te dire un secret. Les sourds m'ont raconté qu'après le tremblement de terre du mois dernier... Impossible. Tu sais, vous n'avez pas entendu. Ah, vraiment possible. Soit annule. Ah, bon, c'est pas loin. Ok. Bon, c'est, on va le dire, de toute façon, c'est juste une... C'est Idi, enfant de la lune. Entre enfant de la lune, on se comprend bien. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ah oui, ce sont des loups-garous. Pas du tout. Non, non, enfant de la lune, c'est... Ah, c'est des... Les albinos. Alors, en fait, il y a deux choses. Non, non, les enfants de la lune, c'est des gens qui ont une maladie qui font qu'ils ne supportent pas le soleil. Qui ne supportent pas le soleil. Exactement. Qui s'appelle la maladie de la xeroderma pigmentosum. Mais ça, c'est impossible à trouver. Exactement. C'est-à-dire, si tu ne connais pas, tu ne sais pas. Exactement. Voilà. Donc, c'est des enfants qui ne supportent pas le soleil. Donc, là, on peut faire plusieurs... Là, c'est bon, on a presque tous les clés. Là, on a quasiment tout. Je pense qu'on peut commencer. Donc, ils se sont installés sous terre. Alors... C'est pas qu'ils sont installés, mais je pense que les rares visites qu'ils peuvent faire, c'est dans ce genre de... Non, c'était plus Louise qui avait... Alors oui, oui, en général, ça c'est entre guillemets nous qui avons inventé. Mais oui, en général, les enfants de la Lune font pas mal de spéléologie, tout ça, parce qu'ils peuvent être à l'abri des rayons du soleil et du coup, ils peuvent, entre guillemets, faire des choses plus naturellement. C'est tout à fait exact. Mais c'était plus l'idée de Louise. Donc ils sont allés s'installer dans la grotte, hein. Ils sont allés s'installer terre et il y a eu un éboulement donc sous terre qui a révélé une nouvelle... La grotte est adjacente sous terre. Exactement. Fait. Et du coup... les chauves-souris sont barrées de la grotte. Voilà. Elles ont commencé à mordre tous les gosses. Ouais. Exactement. Sauf visiblement... Oui. Non, elles ont commencé à mordre les gosses. Bah non, il y en a un qui n'a pas été mordu, c'est celui qui appelle... Mais attention, remémorez-vous la timeline. Ouais, quand est-ce que l'éboulement s'est passé? Le premier éboulement, quand est-ce qu'il est arrivé? Il y a un mois. Exactement. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il dit dans le dernier message? Il dit qu'il y a un mois, il y a eu une grotte qui est apparue. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a hâte d'aller voir. Oui, donc ils vont y aller, après la peine. Donc là, il y a un tremblement de terre qui libère la grotte qui est adjacente au souterrain où vivent les enfants. Exactement. Les enfants vont visiter la grotte. Oui. Donc, ils se font totalement mordre, comme Jaja. Ouais. Ils attrapent la rage. Mmh. Du coup, la fille se rend compte qu'il y a un problème. Il y a des enfants qui commencent à se faire mordre, ça commence à être la panique. Elle appelle son père en disant « Faut que tu viennes me chercher, les gamins sont incontrôlables. » Exactement. Le père va les chercher. Oui. Mais... au moment où il arrive, il y a un éboulement. Il prend l'ascenseur. Exactement. Pendant qu'il y a l'ascenseur, il y a un éboulement. Ouais. Donc l'éboulement le blesse. Ouais. Fait qu'il se retrouve évanoui, amnésique. Mm-hmm. Alors je suppose que le trajet en ascenseur dure pas 5 heures. Donc il a resté 5 heures évanoui. Donc peut-être que l'ascenseur a été bloqué. Non, mais surtout il est parti depuis 5 heures. Il n'était pas nécessairement depuis 5 heures. Ah, donc voilà. En fait, peut-être qu'en fait, il est. Ouais, mais c'est bizarre, il se réveille amnésique et tout alors qu'il a été endormi pendant 20 secondes. Bah, ça peut être une amnésie. Oh, t'es chiant. En fait, à la suite d'un choc, d'un traumatisme crânien, tu peux avoir une amnésie qui peut aller jusqu'à plusieurs semaines avant ton traumatisme. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça avec les Et du coup, ce qui est quand même intéressant, c'est que le scientifique a eu une étiquette qui dit qu'il étudie la maladie qu'ont les enfants qui sont sous terre. Donc techniquement, ils n'étaient pas là pour une colonie de vacances, ils étaient là pour être étudiés. Pas tout à fait étudiés. C'est une interprétation qu'on peut laisser libre. Allez, on laisse libre cette interprétation. En tout cas, ils n'étaient pas dans ce souterrain-là par hasard, c'était un centre de xylopigmentation. Xeroderma pigmentosum, Louise. C'est pourtant pas compliqué. Oh là là. Je te dis que cette phrase, je l'ai répétée 1000 fois devant mon ordinateur avant de sortir. Donc là, on est bon là. On a quasiment c'est bon. Alors, il y a deux trois subtilités. Il y a deux petits détails qu'on va donner après. Mais... Donc, il va chercher son gosse. Exactement. Il prend l'ascenseur. Ouais. Éboulement, blessure. Ouais. Réveil. Exactement. Tout ce qu'on connaît ensuite, en fait. Mais et puis coup, après, il en fait, y a une. Il y a deux trois petites questions que du coup, on peut poser en mode hard mode. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand il ouvre l'ascenseur? Donc, il ouvre l'ascenseur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, épaisse poussière. Poussière ou fumée? Poussière, nuage de poussière. Ouais. Donc ça, c'est le signe qu'il y a eu un éboulement. Voilà. Exactement. Et il y a aussi un gaz dans l'air. Voilà, le cinquième étage. Donc, il allume son, voilà, son briquet parce qu'il est con. Ça s'enflamme. Heureusement, on va savoir pourquoi. Il y a, c'est très rare, mais il y a une douche de secours dans l'ascenseur. Ouais, c'est les extincteurs, pardon. Attends, dans l'ascenseur ou dans la cave? Le terme douche de secours. Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, d'accord. Dans l'ascenseur, il y a, oui, il y a un extincteur de secours. Okay. Voilà. Un jet d'eau automatique. Ce qui est. Voilà. Un détail, mais ok. Voilà, non, c'est juste pour, voilà, juste pour que le mec ne parle pas. Du coup, ouais, sinon, ce détail a plus d'importance que vous ne le croyez. Mais ça, c'est... Mais ça, ce sera le hard mode. Ce sera le hard mode. Le scientifique dit bien joué le coup de l'eau. Ah, ouais. Il y a un petit truc. Ouais, c'est ça. Et là, il y a un truc à comprendre. Mais un là, peu subtil. Voilà, là, il faut avoir la connaissance. Parce que sinon, c'est compliqué. Qu'on ne connaissait pas du tout. Non, pas du tout. On a fait des recherches et on a trouvé. Protège de la rage. Alors, c'est pas loin. C'est pas loin, mais en fait, c'est pas loin. Bon, on va le dire, vas-y. En fait, du coup, ce qui se passe, c'est que quand on a la rage, on développe une phobie de l'eau. On est hydrophobe. On est hydrophobe. Ah, exactement. Ah, d'accord. Donc, ah, d'accord, en fait, c'était pour empêcher les gens qui avaient la rage de s'échapper. Il n'a pas fait exprès. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, de toute façon, il serait atterri, il serait fait enculer. il serait fait bouffer, quoi. Direct, ouais, quoi. Donc, ouais. Mais donc, en fait, il a eu de la chance d'allumer son briquet pour essayer de voir, parce qu'il ne voit rien. Parce que, du coup, les bêtes ne pouvaient plus l'attaquer. Les bêtes. Alors, les bêtes. Ce sont des enfants. Exactement, ce sont des enfants. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, il allume son briquet, ça s'enflamme, il y a de l'eau qui tombe. Immunité contre les enfants. Du coup, immunité à l'intérieur de la cage de l'ascenseur, parce qu'il y a l'eau qui tombe, machin truc. Voilà, il commence à être tout mouillé. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il tâtonne pour trouver un interrupteur. Il tâtonne. Exactement. Il tombe sur un gosse qui le mord, qui arrache l'annulaire. Donc c'est quand même un gosse très très très vénère. Ah, il est violent. Il est là. En même temps, il a la rage. Ouais. Quand on a la rage, on bave, on bouffe. Voilà. On devient Ariel. Exactement. On devient violent. Ok, voilà. Très bien. Donc là, après, du coup, boum. Petite subtilité après, oui. Donc, oui. Ce qui se passe, c'est qu'il tombe en arrière. Et après, étrangement, les portes se referment. Et là, la subtilité hop, est grande. L'ascenseur remonte. Pourquoi? Eh ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui allait descendre et qui a appelé l'ascenseur à un moment stratégique. Il y a quelqu'un qui a appelé l'ascenseur. Attends, quand est-ce qu'on entend le cri du scientifique? C'est pendant qu'il remonte, hein? Non, c'est quand. Non. C'est juste après que les portes se sont ouvertes. Et ça, c'est. Mais on entend le cri de quelqu'un. Ouais. Oui, mais c'est un scientifique qui s'est pris un truc sur la tête, du coup. Mais non, mais il y a techniquement, il y a des gens qui sont armés. Il y a des gens qui sont armés qui sont dans cette cave, puisque en haut, il y a un scientifique qui précise pas de coup de feu. Un militaire, c'est... Oui, c'est un militaire. C'est un militaire. Donc, il y a aussi des militaires en bas, mais qui n'ont pas le droit de tirer. Oui, il y a peut-être des militaires en bas qui sont en train de se faire. Non. Ah, bah non, non. Non, mais... non. Ça, non. Non, bah, ils sont cadors, mais après, oui, ça, non. Ils peuvent. C'est pas un truc. Ok. C'est pas exactement ça. Il y a quelqu'un. Okay. Quelqu'un qui crie. Voilà. Ou alors, c'est la personne qui a. On est dans le hard mode, mais. Là, on est dans la précision, voilà, le petit détail. Ouais, voilà, de toute façon, c'est ce qu'il faut donner. Exactement, exactement. Mais du coup, bah, on le dit. Du coup, on le dit. En fait, c'était juste, bah, y avait des gens en fait, qui s'occupaient des enfants, parce que tu ne laisses pas des enfants tout seuls. Okay. Et c'est ces gens-là qui se font attaquer par les gamins. Ouais. Okay. Et du coup, bah, cette personne, elle crie, parce que voilà, peut-être elle s'est fait mordre. Et voilà, on entend bien le gamin dans les messagers qui dit oui, on est avec les. Avec les médecins. Les médecins n'arrivent plus à les contrôler. Donc, ils sont bien là, en fait, dans le sous-sol avec eux, à l'origine. Voilà. Voilà, voilà. Ok, donc du coup, du coup, les portes se referment. Mais pourquoi? Ça, c'est le détail. Ça, c'est... On l'a rajouté, mais en fait, c'est ça. Là. Tout à fait détail. Parce qu'il faut que pourquoi ça... Tout est logique. Quand il tombe en arrière, les portes se referment. Ouais, et l'ascenseur remonte. Pourquoi? Alors, il tombe et en tombant, il a. Non, on l'a. Tout est dit. Non, tout est dit. Il n'y a pas un truc à imaginer. Peut-être parce que. Et ça, c'est. Peut-être parce que c'est le genre d'ascenseur où il y a une personne qui passe et. Non. Quoique, non, parce que l'ascenseur remonte quand même. L'ascenseur remonte, donc il est appelé. Vers le. En fait, alors, attends, je vais les faire deviner. Vous, imaginez-vous, vous vous réveillez dans un ascenseur. Qu'est-ce que vous essayez de faire tout de suite? Ah, mais il appuie sur les deux boutons, lui. Ok. Alors. Et donc, en fait, il y a un détail. Il sort, il rentre et puis il rentre. Il y a un détail important, c'est qu'on dit. On dit bien qu'il appuie sur les deux boutons et qu'il y en a un qui s'allume. C'est celui du rez-de-chaussée. En fait, il a appelé celui du rez-de-chaussée, mais sauf qu'il allait déjà au moins 1. Du coup, le bouton du moins 1, voilà, il n'était pas utilisable. Et du coup, encore plus subtil. Pourquoi est-ce que, bah, quand il est arrivé en bas, quand les portes se sont ouvertes, pourquoi elles se sont pas refermées juste après et les remonter? Parce qu'il était entre les portes. Oui, voilà. Donc oui, bah, logique. Je suis d'accord. Ça, d'accord. Mais voilà. Très bien. C'est ça. Donc là, tout est là. Hop, les portes se referment, ils remontent. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Donc les portes s'ouvrent, ils voient le médecin partir. Ouais. Non, la traînée de sang, il l'a vu avant. Il l'a vu dès le départ. Mais il a vu que la traînée de sang au début était du milieu de l'ascenseur jusqu'à la fin. Donc soit on a traîné le scientifique, soit le scientifique a rampé hors de l'ascenseur. Voilà, c'est ça, ouais, hors de l'ascenseur. Donc le scientifique a vraiment essayé de s'enfuir de cet endroit. Okay. En fait, le scientifique a essayé de s'enfuir quand lui est rentré, du coup. Non. En gros, le scientifique, le scientifique est remonté, d'accord. En mode, il était quasiment... il sort. Il sort, mais sauf qu'il meurt sur le coup. Voilà, il meurt sur le coup. Donc le mec, bon, il le voit, mais il se dit du coup, faut que j'y aille vite. Voilà, je me grouille. Et du coup, il rentre dans l'ascenseur. Merde, il faut que je me dépêche. C'est quand le scientifique sort et le mec rentre. Quoi. Oui, alors après, le timing, on ne sait pas précisément. Mais l'idée est là. En fait, je parle en termes de trajet d'ascenseur. Oui, exact. Voilà. Oui. C'est ça, ok, ça marche. Tout à fait. Donc là, il voit le scientifique, il le retourne, il voit ce qui a marqué dessus. Ok, donc c'est bon. Là, jusque-là, rien de... Voilà, donc vous avez compris que Xeroderma pigmentosum, ça veut dire... C'est le nom. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Xeroderma pigmentosum. On ne connaît pas ce terme. C'est à Xeroderma... Donc, c'est le nom scientifique des enfants de la Lune. Donc là, hop, qu'est-ce qui se passe ? Et il entend des gens arriver. Oui, c'est pour ça. Donc, il entend des gens arriver. Sur la droite, d'ailleurs, pour ceux qui ont mis le casque. Voilà, c'était sur la droite. Ouais. Je suis très fier, excusez-moi. Bruit de bottes. Bruit de pas qui viennent de la droite. Je tiens à préciser quand même. Okay, bref. Donc là, il y a des militaires. Voilà, il y a des gens qui arrivent et ils disent. Pas de coup de feu. Ça a l'air mal. Voilà, parce que y a du gaz, ça s'enflamme. Peut-être parce que c'est des enfants malades. Aussi, du coup, on va éviter de les tuer tous quand même. Okay. Hein, c'est plutôt pas mal. Headshoter tout le monde. Meurtre, génocide dans un centre d'enfants malades. Les militaires sont rentrés, ils ont tué tout le monde. Ils sont bien heureux. Okay. Fin de l'incident. La banlieue parisienne. Fin de l'incident. Exactement. Okay. Du coup, donc là, il y a les militaires qui arrivent. Ils lui posent des questions parce que du coup, ils comprennent pas. Voilà. Et lui, il dit. Du coup, est-ce que le mec est entré par infraction dans le. Effraction. Pas infraction. C'est un infraction. Il l'a rentré par infraction. Mais du coup, parce qu'ils savaient pas, ils savent pas d'où il sort, donc ils savent pas d'où il rentre. Les militaires étaient pas encore arrivés. Les militaires arrivent. D'accord. Ils étaient pas encore là. Donc en fait, il arrive vraiment. Il est plus rapide que les militaires. Hein, ouais. C'est un ouf. Bah oui, mais il avait un contact sur place. Exactement. Il avait une taupe. Ils sont sous terre. Ok, très bien. Excellent. Donc là, les militaires, ils font bon, qu'est-ce que tu fais là, MDR ? Voilà, parce que quand même, c'est bizarre. Et lui, il fait, c'est pas MDR. Voilà. Lui, il fait. Je viens de l'ascenseur, mais c'est juste. Sauf exactement. Le militaire, qu'il est blessé, il prend peur. Que, ouais. Parce qu'il sait que c'est la rage. Ouais. En bas, et du coup, il voit sa main, il fait lol. T'étais infecté. Il va voir le médecin directement. Il va voir un médecin. Le médecin lui dit TKT, ma gueule. Donne-moi tes vêtements, bon, ok. Parce qu'il est, il lui fait ses soins, bon, voilà. A priori, ça va. Voilà, du coup, bien joué l'eau, parce que du coup, il s'est mouillé, du coup. Le médecin, il s'est dit, mais en fait, il est trop intelligent. Voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. Descendre et tout. En fait, il a eu une chance de malade. Exactement. Lui qui comprend. Ah. Et du coup, après, premier message. Donc, est-ce que vous aviez compris que c'était son téléphone qui sonnait et qu'il recevait un message vocal? Oui, enfin, je vois pas trop ce qu'on pouvait comprendre d'autre. Okay, d'accord, non mais très bien. Non mais on avait, tu sais, il y a des trucs, tu les fais, et puis après, tu sais pas si ça donne l'effet escompté. Donc, premier message, qu'est-ce qui se passe ? C'est sa femme qui lui dit que ça fait longtemps qu'il est parti. Ouais. On a une première date, en fait, ça permet d'avoir vraiment un point de repère sur quand on est. Du coup, c'est en sens inverse, ça fait longtemps que t'es parti, viens me chercher, tout se passe bien, on a découvert... Voilà. Exactement, voilà. Bah voilà. Bah félicitations. Bah bravo. Franchement, j'ai trouvé ça un petit peu faible pour un premier essai. extrêmement déçu. Vraiment, c'était vraiment ouf. On a adoré faire ce talent de lecteur. Ouais, assez c'était incroyable. C'était, et c'est plus, c'est enfin faire une voix de narrateur, c'est en fait extrêmement difficile que je pensais, parce que. On n'articule pas dans la vie tous les jours. Non, c'est dingue. Et là, on sent la passion au début. Et d'un coup, il faut absolument tout articuler et faire dans une intonation qui est un peu dans le thème et sans être dans le ridicule. Et ça, c'est hyper dur aussi. Enfin bon, bref. Globalement, c'est réapprendre à parler. Voilà, c'est, globalement. Tu croyais que tu savais parler. Non. Réapprendre. Réapprendre. Allez, c'est parti. La grammaire. Exactement. Ça, on l'a pas fait. Du coup, je tiens juste à dire, pour les gens qui avaient compris dès le départ, pardon, bravo aussi. Pour les gens qui écoutent. Excellent. Vous êtes très bons. Vous êtes extrêmement intelligents. Vous êtes bons. Et vous avez une très bonne audition pour avoir entendu Enfant de la Lune dès le premier coup. En plus, c'est l'indice. Bah oui, c'est le petit. Moi, j'en ai qui parlent latin et qui savent exactement le nom de toutes les maladies sur Terre. Oui. D'après une étude. À moins que des gens ont stoppé. Oui. Déjà. À moins que et quelqu'un dans ce cas-là, sous-terre soit en train de nous écouter et soit là, mais c'est moi. On leur a fait quand même bouger leur souris. Exactement. Aller sur Wikipédia, chercher que zéro dérapage en zoom, c'est un effort incroyable. C'est ouf. C'est ça, ouf. Bravo, c'est merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc est-ce que. Donc dernière maintenant, petite. Est-ce qu'on fait un petit peu les axes d'amélioration, voir un peu ce que. Alors oui, qu'est-ce que. Éventuellement, donc qu'est-ce que vous avez trouvé bien, moins bien? Tout ce qui est. Donc. On va dire d'abord hein, tout ce qui est sur le montage sonore, tous les petits trucs comme ça, voilà, où ça coupe trop tôt, où il y a voilà, bon, on s'est confronté à plein de problèmes auxquels on n'avait pas pensé du tout. Bon, de toute façon, on n'est pas experts, on n'a pas écouté 3 milliards d'histoires d'audiobook. Non, mais même sur la qualité sonore, enfin, il y a des trucs à redire, mais au niveau de l'histoire, sur la pratique. Oui, moi, l'histoire, le résultat est là, quoi. Enfin, c'est prenant, on sait qu'on est dans une histoire, enfin, ça va. Ah, ça fait trop plaisir. Je pense que c'est un ingénieur du son, écoute ça, peut-être qu'il aura 2-3 trucs à dire. Il nous encule. Clairement, on est hyper pris dans le truc. Les voix sont très très bien faites, ça fait pas du tout amateur. Et sauf évidemment celle d'Antonin. Bien évidemment. Antonin. Grâce à nos magnifiques micros, évidemment. Bien sûr. On n'est pas du tout sponsorisé. Nous utilisons actuellement. Est-ce qu'on explique maintenant la suite de cette émission? Vas-y. Une seconde. On te fait plaisir. Alors, je voulais dire que vous êtes tous des connards, c'est tout. Hein. Yes. Non, en fait, je voulais dire que. Ouais. À la fin, du coup. Ouais. En fait, le bruit là qui montait. Ouais. C'était ouf comme effet. Ouais, du coup, c'était ce sur quoi j'étais en train de bosser tout à l'heure. Trop fort par rapport à la voix. Ouais. Parce que Enfant de la Lune, on l'entend pas. Je pense qu'on sur la version qu'on va mettre, on va baisser un diminuer peu, un tout petit peu, mais c'était ça sur lequel j'étais en train de me prendre la tête quand tu étais là. Parce que pour trouver le bon niveau sonore pour faire un fondu, j'ai perdu parce qu'il faut que ce soit à la fois que ça monte vite et à la fois. Tu vois, là, on est comme ça. Oui. Faut qu'on soit comme ça. C'est extrêmement radiophonique d'ailleurs, d'être comme ça. Des signes avec les mains pour montrer des courbes. Exactement. Donc, donc voilà. Et puis, ouais, aussi, encore une fois, grosse remarque de fils de pute. C'est pour ça qu'on t'aime. Des petits. Oui, des petites coupures. Non, mais en gros, dans le texte. Alors déjà, des petits moments, tu vois, je me suis arrêté un peu comme un connard sur dévisager le doigt. En soi, ça, c'est des trucs qui sont des mini-erreurs de français, vocabulaire, claque. Et puis aussi, dans la diction, il y a eu vraiment des trucs mais microscopiques qui ne méritent même pas d'être relevés. Mais tu vois, à un moment, tu as dit « il était à vitesse constante ». Constante, ok. Ah ouais, vite. Tu vois, c'est vraiment des trucs de grosse. C'est écrit, du coup, je sais même pas, tu vois. Je sais parce qu'en fait, on a fait je sais pas combien de versions du truc. On a écrit, on a enlevé, on a remis, on a re-enlevé. Enfin bref. Et puis après, quand tu le fais, c'est-à-dire, t'écris tout, on a tout écrit. Et après, quand tu le fais. Et tu rechanges tout. Parce que tu fais, non, mais ça sonne pas. Mais parce que, ouais, sur papier, ça donne pas la même chose. Et là, juste par exemple, juste pour les deux trucs d'Antonin, on l'a fait en une demi-heure. Il doit y avoir 15 mots en tout, mais on a pris une demi-heure parce que tu le fais et tu fais ouais, mais ça sonne pas bien. Et juste changer 2-3 mots, changer une virgule, une placement. On s'est pris la tête avec Yannick sur des trucs de dingue, Gros trucs. Et voilà, et moi je vous fais des remarques comme ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je vous dis ouais, c'est trop bien. Mais c'est bien, mais tu vois, il peut pas y avoir. Tu vas voir la suite, ça va être drôle. Et ouais, aussi Thomas, alors ton ton il était vraiment ouf. Par contre, il y a des moments, j'ai l'impression, où t'étais ultra dramatique. Tu vois, il y a un moment où t'as dit et il lui demanda le moment où le médecin lui demande un truc, tu le dis d'un ton vachement dramatique. Ça, c'est hyper dur aussi. Alors que c'est le ton s'y prête pas trop, mais en soi c'est quel est le bon ton à adopter. Ouais, genre. En fait, il faut savoir aussi que quand on enregistre les trucs, genre on fait plein de versions et après on choisit évidemment. Et du coup, quelquefois entre deux versions, il va y avoir des tons qui vont être différents parce que celle-là elle est mieux que les autres, et l'autre elle est mieux que les autres, du coup on prend, et quelquefois elles vont pas être exactement sur le même ton, mais parce que c'était et les puis, deux meilleurs. Voilà, et puis on enregistre sur des jours différents, on est plus dans le mood, tu reviens, voilà, t'es peut-être fatigué de ton taf, et du coup t'as une voix plus basse, parfois tu reviens, ton micro il est peut-être un peu plus proche qu'avant, et du coup t'as une voix beaucoup plus forte, enfin bref. Du coup c'était un vrai travail aussi pour se remettre dans un mood, etc. Avoir le truc. Et juste moi je voudrais dire un truc, avant qu'on explique la suite, oui, parce que la suite ça va être très très drôle, est-ce que sur le scénario, pour vous, parce que non, en fait nous c'était vraiment un gros impératif pour nous que tout soit cohérent du début à la fin, qu'on soit pas, parce que en général on voit plein de films et après on fait ouais mais ça c'est n'importe quoi, genre il aurait jamais réagi comme ça, ou oui mais ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Donc est-ce que pour vous des trucs dans ce qu'on a écrit qui sont incohérents, vous vous dites Ah non, c'est pas possible. C'est un peu bizarre. Voilà, voilà, la seule remarque que je puisse faire, c'est le début d'un scénario qui commence par le début d'un scénario qui commence par une amnésie. Ah, ça c'est sûr. Ouais. C'est fait. Mais après, ça aide forcément un scénario, c'est normal. Voilà. Et en plus, vous l'avez expliqué d'une façon qui est tout à fait cohérente. Voilà, du coup, on va dire que. Après, on peut pas vous critiquer en disant c'est pas assez original. L'originalité. Ça nous a beaucoup aidé, franchement, pour une première histoire. Du point de vue de la cohérence, en fait, les trucs sur lesquels je peux avoir des doutes, je peux pas vous dire que c'est n'importe quoi ou quoi parce que je m'y connais pas assez. Comme quoi, par exemple. C'est-à-dire que, est-ce que le type en se blessant dans l'ascenseur a vraisemblablement se réveiller tout de suite après, être amnésique et tout. Voilà, je peux pas vous le dire. Juste après. Ça existe. C'est-à-dire que, en fait, quand t'as un trauma crânien vraiment très violent. Ça existe, mais est-ce que c'est vraisemblable dans ce cas-là? Bon, en vrai, je peux pas te le dire. Vu la force du. Vu la force du tremblement de terre, si le tremblement de terre était relativement fort, hop, il se cogne contre l'ascenseur. Voilà. Gros choc, trauma crânien. Ah, ça, puis après, il y a tous les trucs. Encore une fois, je peux pas dire, par exemple, la rage. Moi, je connais pas exactement les symptômes de la rage. Oui, mais c'est pour ça qu'on s'est beaucoup renseigné. Ça, on s'est renseigné pour justement que ce soit. Enfin, qu'on ne dise pas n'importe quoi. J'imagine que l'hydrophobie, vous le saviez pas de. Non, de voilà, exactement. Bah, si, évidemment. Enfin, tout le monde le sait, ça me paraît facile. L'hydrophobie, c'est vraiment fuir l'eau comme ça. Non, et tu vois, il le fuit même pas. Non, il le fuit pas, il a une. Peur, parce qu'il mord quand même le doigt, tu vois. Voilà, c'est-à-dire, il va pas aller, quand il voit l'eau qui tombe dans l'ascenseur, il va pas y aller. En gros, clairement, s'il peut y avoir des trucs incohérents, je sais pas comment dire, s'il peut y avoir des trucs sur lesquels j'ai des doutes, c'est sur tous les faits un peu scientifiques qui touchent à la maladie, etc. Mais j'en sais rien, je sais strictement rien, donc en fait, je pars du principe que c'est vrai, je vous crois sur parole, et donc si je pars du principe que tout ça c'est vrai, bah, le scénario est totalement cohérent. Justement, le principe c'est de faire une chronologie, on a réussi à l'établir sans problème, c'est bien que la chronologie se tient. Bon bah très bien, c'est très super. Bien, bon, on a réussi nos objectifs. Et bah Thomas, je te serre la main. Oui, je suis enchanté d'avoir fait cette histoire avec toi. Excellent, excellent. Et maintenant la suite. Maintenant la suite. Parce que la suite, c'est parce ça qui est drôle. Parce que 2T. 4 histoires supplémentaires. Parce que 2T, 3T, 2 temps, 3 mouvements. 2T, 3M. 2T, 3M, 2 temps, 3 mouvements. Du coup, c'est. On avait dit. Parce que en fait, maintenant ça veut. Parce que 2 temps, ça veut dire que c'est rapide. Ouais. Et 3 mouvements, je sais plus. Et trois mouvements, c'est. Parce qu'on est trois, mais c'est, en fait, si, on n'est pas si, trois. Si, non, deux temps, trois mouvements, deux temps, c'est parce que c'est rapide. Enfin, c'est rapide, c'est un mois et demi. Voilà. Enfin, c'est 5 minutes. Et trois mouvements, parce que c'est début, péripétie, fin. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est une histoire aussi qui est rapide. D'ailleurs, c'est pas une histoire qui s'étale sur 40 ans, machin, il s'est épisode passé. Épisode 1. Voilà. Et donc, ça, c'était l'épisode 1. Maintenant. Alors, du coup, on aimerait bien étendre le projet. À vous, à tout le monde, à vous tous, à vous tous, donc vous qui êtes enfin là, à vous tous, sûr, à vous ici. Tous, pas vous tous qui nous écoutez, hein, te, à vous se qui calme. Êtes là, bien sûr ici, mais aussi du coup on pense à Antonin, on pense à William, on pense à Eric, etc. Le projet là, ce serait que ben maintenant les prochaines personnes qui fassent cette émission là, qui se retrouvent à notre place, et ben ce soit vous ou d'autres évidemment, que ce soit ceux qui nous écoutent. Et que voilà, vous essayez de préparer une petite histoire et tout, etc. Exactement. Et qu'on continue en fait. Qu'on continue, c'est-à-dire, globalement, on vous conseille de le faire à deux, parce que tout seul, c'est extrêmement difficile. Surtout pour créer une histoire. Ouais, pour écrire, c'est une galère. On brainstorm tout seul, peut-être quand vous serez ultra chaud dans 20 ans. Mais là, tout de suite, c'est chaud. Mais créer une histoire, c'est très dur. Et donc, voilà, de le faire à deux, et comme ça, et après, de le présenter aux autres, et de faire un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire, voilà, on le fait écouter, on essaie de comprendre. Pas alors, forcément le même style. Oui, ça peut, c'est pas obligé que ce soit une histoire Louise compliquée. Louise est en train d'essayer d'ouvrir sa bière de la façon la plus discrète possible. Oui. Alors voilà, il est pas obligé que ce soit un truc d'énigme. Va arriver dans 4 secondes. Voilà, mais c'est juste... Allez, bravo. Mais donc l'idée, voilà, c'est juste que qu'on tourne comme ça et que ce soit pas toujours les mêmes binômes hein, non plus, et qu'on continue comme ça. Voilà. Donc maintenant, qui seront les prochains? Ça va être décidé. En fait, est-ce que tu peux proposer à ta sœur? Parce que j'ai envie de faire un binôme avec elle, j'adorerais savoir. Ouh. Attention, alors, parce que. Moi attention, aussi, parce que. Tu as un binôme avec ta sœur, Yanis. Alors, on attention. Jean-Henrique, fais attention à ce que tu dis. Parce que sinon, je vais être obligé de te tuer. C'est dommage. Et attention, parce que ma sœur, c'est pas le même level. Hein. Voilà. Je ne dis pas ce que fait ta sœur parce qu'il y a une identité et tout, mais exactement. Sa sœur est une personne qui pèse dans le game. Oh oui, monsieur. Oh oui, oui. D'ailleurs, j'étais impressionné, ses voix sont parfaites. Voilà. Et c'est elle qui fait aussi le répondeur. Oui, je tiens à le dire. Peut-être elle le fait très bien. J'imagine que vous avez monté de façon... Elle n'a pas imité un répondeur parfaitement. Non, pas du tout. Voilà. Reçu vendredi à 20h. Non, on a fait chaque petite partie, et après, hop, monté. Avec une déformation de la voix. Elle ne fait pas tout ces ça. Ces fameuses discussions avec Yannis ont fait... Mais non, pas 13h30. 13h37, c'est plus réaliste. Mais non, mais 13h30, oui. C'est bon, on s'en fout. Non, mais 48, on va trouver comme ça, sinon c'est pareil. Mais il y en a, il y en a un, si vous avez réussi à noter, il y a un 42. Alors, je sais plus c'est quelle heure 42, mais il y a une 14h42. Heure 42. Exactement. Voilà. 14h42. Petit 42, le sens de la vie. Moi, je pensais que les heures, c'était ultra important, donc ouais, j'ai tout pareil, noté. Hein. Ah bah, très bien. Bah, c'était important voilà. Pour comprendre le truc, bah, mais pas précisément. Voilà. Exactement. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés durant ces oh là là okay, donc, durant ce temps assez long et 7 heures et puis du coup bah on vous embrasse et on vous dit à la prochaine fois à la prochaine ciao au revoir.